Le magasin de vœux. Un jeune homme eut un rêve. Il se trouvait dans un magasin et voyait un ange derrière le comptoir. Soudain, il demanda à l'ange : « Qu'est-ce que vous vendez ici ?»« Tout ce que vous voulez, » répondit l'ange. Le gamin en fut tout excité, réfléchit un instant et dit : « Dans ce cas, je voudrais que les guerres s'arrêtent sur Terre. Je voudrais de meilleures conditions de vie sociale pour les enfants et les familles, du travail pour vous, pour tous, des places de travail pour les jeunes, un traitement juste des minorités. » À ce moment-là, l'ange l'interrompit. « Excusez-moi, jeune homme, vous m'avez mal compris. Nous ne vendons pas de fruits ici. Nous vendons des graines. »